Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Godzilla no ato o tadotte, Christophe Fiat saku. Je vais m'acheter des cigarettes. Je descends la colline où est situé l'institut et je tombe pile sur un plan du quartier où sont indiquées en anglais les voies d'évacuation en cas de tremblement de terre. Temporary gathering point in the event of a disaster. L'après-midi, je vais à Shinjuku. Dans le métro, sur les écrans d'information à cause, on peut lire « Earthquake » ou « Blackout ». Sur les quais, les gens se mettent en file indienne de chaque côté de la porte et attendent. D'ailleurs, il y a une marque jaune en forme de T. Le pied du T sert de ligne de partage. En raison des restrictions d'électricité, la moitié de Tokyo est plongée dans le noir. Un réverbère sur trois est allumé. Dans un magasin de vêtements, je vois des t-shirts verts imprimés « Strong Spirit Rebuild Japan ». Le lendemain, je croise Bob Neal au même endroit, à la même heure qu'hier. Bonjour. Encore des secousses ? Oui. Vous vous habituerez. Ça vous dit d'aller à Iwaki ? C'est une petite ville à 40 km de la centrale de Fukushima. Avez-vous ? Ah non, je n'ai pas le temps. Mais hier soir, j'ai discuté de votre projet avec un metteur en scène japonais et il se rend à Iwaki dans deux jours pour rencontrer des sinistrés. Et la radioactivité ? Vous feriez l'aller-retour dans la journée, pas de danger. Iwaki est la dernière ville intacte et vivable dans le périmètre de sécurité. Mais je pensais à Iwaki pour autre chose. Je ne sais pas si la préhistoire est une piste dans votre enquête sur Godzilla, mais il y a quelques mois, l'équipe de chercheurs de l'aquarium d'Iwaki a découvert un sélacanthe. Un quoi ? Un sélacanthe. C'est un poisson dont l'origine remonte à plus de 360 millions d'années. Il n'a quasiment pas changé depuis son apparition. Et personne ne peut expliquer pourquoi son évolution s'est figée. Peut-être qu'il pourrait vous apprendre des choses sur Godzilla ? Il est bien d'origine préhistorique, ce monstre. Oui, ça m'intéresse. Dans le film, il y a une scène où un paléontologue explique aux ministres et experts du gouvernement le lien entre Godzilla et les dinosaures. On le voit qui projette des diapositives en faisant des comparaisons. Je téléphone aujourd'hui à Orisa Hirata pour lui dire que vous êtes OK. Vous êtes sûr pour la radioactivité ? Ça ne sera pas pire qu'une radio dentaire. Deux jours plus tard, dans la Mitsubishi d'Orisa, je regarde le paysage qui défile. Je suis installé sur le siège arrière avec Aki. Tokyo est gris. Le trafic est fluide. Orisa met une cassette et j'entends de la pop japonaise. Pas de la J-pop américanisée, mais de la bonne vieille pop des années 70. C'est Yamaguchi Momoe. C'est une star internationale. Tu aimes ? Oui. Quand elle a commencé à chanter dans les années 70, elle avait 13 ans. Puis, à 20 ans, elle a tout arrêté. Mais elle continue d'apparaître dans les journaux People. Et chaque année, on annonce son retour sur scène. Les kilomètres défilent. On est sorti de Tokyo et les premières montagnes apparaissent. Je cherche le Fujiyama. Dans un film, on voit Godzilla qui se bat avec un autre monstre au bas du Fujiyama. Au Japon, c'est une montagne sacrée, la montagne des esprits. Aki parle avec Orisa, puis ouvre un journal. Je l'interromps dans sa lecture. Tu penses quitter Tokyo un jour ? Pourquoi ? À cause de la radioactivité qui arrive de la centrale de Fukushima. Et puis, on m'a dit aussi que l'année prochaine, il y aurait le Big One. Ma famille vit à Tokyo depuis 100 ans. Il y a le Japon et il y a Tokyo. Dans cette ville, il n'a jamais eu de futur. Tout se métamorphose constamment. D'ailleurs, ce n'est pas une ville, c'est un territoire. Tu as déjà vu des films de Godzilla ? Oui, quand j'étais enfant à la télé. J'en ai un vague souvenir. Mais j'ai une question à te poser. Dans les films qui mettent en scène Godzilla, c'est le nucléaire militaire qui est en cause, pas le nucléaire civil comme à Fukushima. C'est quoi le rapport ? Le nucléaire civil, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les pays qui réclament des centrales civiles se procurent ainsi l'arme atomique. D'ailleurs, C'est plus facile de fabriquer une ogive que de construire une centrale. Ce n'est pas le cas au Japon. Nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons que des forces d'autodéfense. C'est inscrit dans notre constitution qui date de l'occupation américaine. C'est pour ça que vous avez Godzilla. Maintenant, Oriza arrête la musique et met une radio locale qui diffuse des informations pour les sinistrés. Il est concentré. C'est normal, on approche d'Iwaki. La route se rétrécit. Tu vois, cette chaussée effondrée. Ce sont les effets du tremblement de terre. On est accueilli par une femme qui enseigne l'art dramatique. Elle est tellement émue qu'elle pleure. On est les premiers Tokyoïtes à venir ici depuis la catastrophe. Elle nous donne un plan de la ville avec imprimé en gros caractères « Sunshine Iwaki ». Je le parcours et, chose étrange, un premier rayon de soleil apparaît. Je ne fais pas tout de suite le lien avec le plan qui présente Iwaki comme une station balnéaire. Je pense tout de suite aux radiations. Je pense aussi au vent qui souffle depuis que nous sommes arrivés. Il apporte peut-être des particules toxiques. C'est alors que j'aperçois les premières maisons détruites. La plupart ont le toit arraché. Les vitres sont brisées, les portes défoncées, les rideaux déchirés. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur a été emporté. Une voiture est renversée sur le côté, les quatre roues en l'air. Un bateau est échoué et un hangar laisse voir ses armatures en ferraille au travers desquelles passent les nuages. Puis, on repart. Dans la Mitsubishi, la radio est coupée. Le silence est assommant. On avance de 5 km en suivant le bord de mer, direction Izanohama. Aki me dit qu'on va accéder à la zone interdite. Godzilla の後をたどって、クリストフィアット作。Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Avec Mohamed Rouabi, Gabriel Dufay, Seiji Tanaka. Équipe de réalisation: Olivier Dupré, Mathieu Perrault, Viviane Demeyer, Jack Taroni.